Chapitre 15. Le cousin Galfard. Ce n'est pas par sympathie que l'émir me regardait. Nous venons de nous rencontrer devant la porte des Gazans. Il était là, comme chez lui, appuyé au mur et fumant, le fusil sur l'épaule, son chien à ses pieds. Un solide gaillard, ma foi. Une manière de brigand corse, vêtu de velours, le poil en broussaille. Avec cela, je ne sais quel air de jeune assurance, et, dans sa figure hâlée, de grands yeux, bleus, hardis et doux. Où diantre ai-je vu ce beau sauvage? Car, certainement, je l'ai déjà vu. À tout hasard, je le salue. Lui s'incline poliment, non sans intention d'ironie. Mais au moment où je m'apprête à lui adresser sa parole, il siffle son chien et s'en va. « Eh bien, vous le connaissez maintenant !» me crie Saladine. « C'est Galfard, le cousin, l'homme au chemin d'âne !» On était content depuis 2 mois de n'avoir plus de ses nouvelles. Le voilà revenu maintenant, sans doute avec quelques mauvais coups en tête. Drôle d'idée que les gens ont eu tout de même de choisir un pareil chrétien pour faire le turc. « Vous savez bien, » interrompt Monsieur Honorat, « que, d'après la coutume, le turc doit sortir de notre famille. Il est donc naturel qu'à mon refus... » Monsieur Honorat dit « à mon refus » d'un ton contraint, presque vexé. « Peut-être ne lui a-t-on pas offert de faire le turc cette année. Peut-être aussi, Norette n'a-t-elle pas voulu. » Cependant, je me représente Monsieur Honorat, le grave Monsieur Honorat faisant le turc. Image qui me remplit de joie. Choisir ce Galfard, si c'est Dieu possible! Ce Galfard, à première vue, ne me paraît pas précisément un méchant diable. Pourtant, s'il faut en croire la rancunière Saladine, j'aurais tort de me fier aux apparences. C'est un mange-tout. Un songe fait, le digne fils des vieux Galfard, riche jadis, mais prodigue, tenant maison ouverte, et sous prétexte de cousinage, tout le monde est cousin quand on cherche, logeant et nourrissant des mois entiers les premiers venus. Une fois, chez eux, du temps de l'arrière-grand-père, il y eut pour le souper de Noël 42 personnes à table. Et 15 pots de brebis encadrant le rond du portail. Et des personnes se souviennent avoir vu sur leur perron, du jour de l'an à la Saint-Sylvestre, une table couverte d'une nappe blanche avec un verre et une cruche de vin, aussitôt vidée, aussitôt remplie, gratis, à la disposition de qui avait soif et passé. En la gouvernant ainsi, une fortune est vite fondue, surtout quand les procès arrivent. L'une après l'autre, peu à peu, toutes les terres se vendirent, et maintenant les Galfards sont si pauvres qu'ils pourraient, sans crainte des voleurs, fermer leurs portes avec un buisson. Il ne leur reste qu'un petit bien, dont les huissiers n'ont pas voulu, et sur lequel ils vivent. Le père essaye de le cultiver, mais il s'est trop tard mis à la pioche. Être paysan ne s'apprend pas dans les collèges. Après avoir couru, navigué, essayé de tous les métiers, un matin, le fils est revenu. Il fait de la poudre en contrebande et braconne. La mère travaillée d'orgueil et d'idées noires n'a pas assez de la journée pour pleurer les larmes de son corps. Et c'est depuis la ruine que les deux familles sont brouillées? Non pas! Monsieur Honorat voulait au contraire se rapprocher d'eux, leur venir en aide. Les Galfards n'ont pas répondu. Galfard et Gazan naissent en guerre. Ils têtent ça avec le lait! Saladine n'exagérait pas. J'ai eu beau interroger sur ce point Monsieur Honorat et Norette. J'aurais beau sans doute interroger le cousin Galfard. Peine perdue. Ils sont ennemis, voilà ce qu'ils savent. mais pas plus les uns que les autres, ne pourraient me dire pourquoi. Fin de la troisième partie de La Chèvre d'or de Paul Arène.